Asher. Je m'appelle Alicia. Et je m'appelle Sabrina. Bienvenue à la mission d'Alicia et Sabrina. Le sujet de la mission est la mission chorale. Ils continuent de la mission danse, chanter, chansons, musique et instruments. Je suis Alicia. J'aime les chats, musique et danse. Je suis Sabrina. J'aime les chiens, danse et hockey. Voilà une petite pierre. Ici est un exemple de musique. Bon. Voici l'autre exemple. Bon. Voici une face. Pourquoi de la poulette croit transfère la route? Parce qu'il veut. Danse avec la musique. Danse avec la musique. Notre avoir à la maintenant. Au revoir.